moi. Je voudrais être sûr que ton sang restera pur. Quelquefois, l'amour ne suffit pas pour se protéger, crois-moi. Si je devais te montrer la mort, je n'hésiterais pas. Cette maladie qui ronge les corps, crois-moi. Mais surtout, ne ferme pas les yeux, même si tu es très heureux. Protège-toi, tu as encore le choix de regarder la vie devant toi. Et si demain tu dois t'envoler, n'oublie jamais que dans le souffle du vent tu entendras ma voix. Et si une nuit tu ne te protèges pas, n'oublie jamais que quoi qu'il puisse t'arriver, je serai là. Je serai là. Maintenant, je veux trouver les mots qui auront assez d'écho. Si tu veux vivre, ne protège pas ton cœur. Si tu veux aimer, protège-toi contre la peur. Oh, contre la peur. Protège-toi contre la peur. Oh, contre la peur. Protège-toi contre la peur. Oh, contre la peur. Protège-toi contre la peur. Crois-moi.